examiner l'aphasie dans les mémoires de Saint-Simon paraît à première vue un contresens. Qui pourrait soutenir que cette œuvre foisonnante d'une longueur qui dépasse celle de la recherche de Proust soit marquée par une impossibilité de parler, qui est le sens étymologique du terme aphasie? On se souvient de la fameuse remarque de Louis XIV que M. Hourcade a cité ce matin. « Monsieur, c'est que vous parlez et que vous blâmez. Voilà ce qui fait qu'on parle contre vous. » D'ailleurs, le terme « aphasie » est étranger au monde de Saint-Simon, car le mot, bien qu'il dérive du mot grec « aphatos », ne s'impose qu'au XIXe siècle pour désigner un traumatisme du langage causé par un accident cérébral. Dans l'univers des mémoires, Saint-Simon emploie le terme général « apoplexie » et l'expression « tomber en apoplexie » qui traduit bien la violence du grec « apoplesso », c'est-à-dire « frappé d'un coup ». Que l'usage de la parole soit touché par l'apoplexie est attesté par de nombreux auteurs, y compris Saint-Simon, qui utilise des périphrases comme « la parole ôtée » ou « la langue embrouillée » ou « la langue embarrassée ». Il y a donc dans les mémoires des aphasiques, malgré l'anachronisme, et parmi eux, deux hommes qui jouent un grand rôle à la cour et qui fascinent Saint-Simon par leurs paroles. Le maréchal duc d'Harcourt, déjà cité par Philippe Hourcade, et le premier président du Parlement, Achille de Harlay. Certes, les Saint-Simonistes ont beaucoup étudié ces deux figures historiques, surtout Harlay, connu pour ses brocards et ses railleries. Mais aucun chercheur, à ma connaissance, n'a examiné Harcourt et Harlay à la lumière du déficit verbal des deux hommes. Un déficit dont Saint-Simon est conscient dès qu'il met Harcourt et Harlay dans son texte. Tous les portraits d'Harcourt et d'Harlay sont donc marqués par cette privation qui surviendra plus tard. Et leur destin est d'autant plus paradoxal qu'il est parfois signalé par la prolepse banale « j'en parlerai ». Par exemple, dans une des premières mentions d'Harcourt, Saint-Simon dit « j'aurai occasion d'en parler bien encore ». Or, ce « bien encore » pourrait bien être une référence à 1716, l'année fatidique où la parole d'Harcourt lui est ôtée. Il est donc normal d'examiner comment l'aphasie d'Harcourt et celle d'Harlay gouvernent, implicitement ou explicitement, le rapport entre le mémorialiste, qui vit de parole, et ces deux hommes qui voient leur verbe disparaître. Y a-t-il une crainte, une satisfaction ou un deuil qu'on peut déceler chez Saint-Simon face à l'aphasie? L'écriture est-elle pour Saint-Simon une compensation pour cette perte verbale dont est victime autrui? Ou est-ce que l'écriture transmet plutôt la jouissance de condamner ces deux hommes et leurs paroles médisantes? Ces questions nous permettent d'ailleurs de comprendre toute une taxinomie des phénomènes de la parole grâce à Paul Broca, le chirurgien français qui a découvert le siège cérébral du langage articulé au XIXe siècle. Et dans un article que Broca adresse au médecin et clinicien Armand Trousseau, daté de 1864, Broca réfléchit aux termes les plus adéquats pour décrire les problèmes de la parole. En grande helléniste, Broca considère les multiples sens du terme aphasie et il examine aussi le terme aphémie, qu'il préfère à aphasie. Je vais me servir de cette discussion de Broca et de ces deux termes et de sa discussion des deux termes aphasie et aphémie, car cela s'avère utile pour comprendre la diversité de mutisme qui se manifeste dans les mémoires. En effet, si le texte de Saint-Simon est riche en paroles, il abonde aussi en silence, provoqué non seulement par l'apoplexie, mais aussi par le ridicule, la surprise et l'horreur. Commençons alors par le maréchal duc d'Harcourt, un personnage dont le rapport à Saint-Simon est complexe. Harcourt est d'abord et surtout un homme ambitieux. Il a une ambition sans bord, selon Saint-Simon. Il vise une transformation de son marquisat en duché, une promotion à la pairie, et ensuite une nomination au titre de maréchal, enfin une entrée dans le conseil du roi. De plus, Harcourt est appuyé par Madame de Maintenon pour des raisons qui remontent à une ancienne relation amoureuse. Le père d'Harcourt, Beuvron, avait été plus que très bien avec Madame de Maintenon dans ses jeunes années. Pour arriver à ses fins, Harcourt met dans sa cible deux amis de Saint-Simon, Chamillard et le duc de Beauvilliers. Donc, si Harcourt n'est pas à proprement parler un ennemi de Saint-Simon, il est au moins un homme dangereux, à cause de son ambition, de ses appuis, de son audace naturelle et de son esprit de fin normand. L'ascension sociale et politique d'Harcourt est décrite par Saint-Simon avec des termes qui suggèrent un véritable déplacement dans l'air. La réputation d'Harcourt prend un grand vol lorsqu'il est nommé ambassadeur en Espagne, un vol que nul autre homme de qualité n'avait pu jusqu'alors atteindre. Quand Charles II meurt à Madrid et que Philippe V monte sur le trône, Harcourt veut retourner en Espagne pour, je cite, prendre de là un vol nouveau et des forces nouvelles pour forcer à son retour ici la porte du Conseil. Ce désir d'ascendance est inscrit même dans le caractère d'Harcourt. En parlant de son esprit, Saint-Simon utilise un terme de fauconnerie et précise qu'Harcourt veut prendre le montant, c'est-à-dire s'élever au-dessus des autres. Le mot auteur se retrouve aussi dans les portraits d'Harcourt. Le marquis, devenu maréchal-duc, est l'homme du monde le plus haut. Il a une hauteur, un mépris des autres, une domination insupportable, beaucoup de hauteur et d'avarice. Et quand Saint-Simon utilise le terme « auteur », il fait référence aux paroles d'Harcourt. Furtière nous rappelle que « auteur » se dit de l'autorité que l'on a sur quelqu'un, du traitement injurieux qu'on lui fait, soit en parole et en menace, soit en violence effective. C'est dans ce sens que Saint-Simon remarque à Harcourt, « Ne craignez pas de plaisanter avec un air de hauteur et d'assurance. » Ce déplacement du bas vers le haut, facilité par le langage, et plus précisément le langage moqueur, se voit dans cette phrase tirée du caractère d'Harcourt dans la chronique de 1702. Je cite, « S'il lui arrivait de se prendre dans le bourbier, une plaisanterie venait au secours, un conte, une hauteur. En un mot, il payait d'effronterie et ne se détournait pas de son chemin. » Fin de citation. Harcourt peut sortir du bourbier, symbole de l'état inférieur, de l'indigne, de la crasse, la boue évoquant aussi les bâtards du roi. Il peut en sortir par une plaisanterie, une hauteur. Harcourt parle bien, et Saint-Simon le souligne dans les portraits du maréchal. Sa conversation la plus ordinaire était charmante. Il parlait d'affaires avec une facilité et une éloquence naturelle et simple. Les expressions qui entraînaient coulaient de source. La force et la noblesse les accompagnaient toujours. Mais Harcourt est moqueur, et c'est sa médisance qui attire l'attention du mémorialiste. En fait, Harcourt entre dans les mémoires par la raillerie. En 1696, pour promouvoir ses propres idées militaires, Harcourt essaie de miner l'autorité du maréchal de Choiseul en se moquant de lui. Plus tard, en 1709, dans un épisode que Saint-Simon appelle « le sarcasme d'Harcourt sur Chamillard », le maréchal critique Chamillard et sa direction de la guerre en comparant le ministre au premier médecin du roi, Fagon. Puisque c'est l'un des deux seuls moments où Saint-Simon cite le discours direct d'Harcourt, l'épisode mérite d'être cité in extenso. Et c'est sur la feuille. Je cite, « Le maréchal d'Harcourt mettait Chamillard savamment en pièces dans tous les particuliers qu'il avait. Un jour, entre autres, qu'il déclamait rudement contre lui chez Madame de Maintenon, à qui il ne pouvait douter que cela ne déplaisait pas, elle lui demanda qui donc il mettrait en sa place. « Monsieur Fagon, madame, lui répondit-il froidement. Elle se mit à rire et lui remontrait qu'il n'était point question de plaisanter. « Je ne plaisante point aussi, madame, » répliqua-t-il. « Monsieur Fagon est bon médecin et point homme de guerre. Monsieur Chamillard est magistrat et point homme de guerre non plus. Monsieur Fagon, de plus, est homme de beaucoup d'esprit et de sens. Monsieur Chamillard n'a ni l'un ni l'autre. Monsieur Fagon, d'entrée et faute d'expérience, pourra faire des fautes. Il les corrigera bientôt à force d'esprit et de réflexion. Monsieur Chamillard en fait aussi et ne cesse d'en faire et qui perdront l'état. Et avec cela, il n'y a en lui aucune ressource. Ainsi, je vous répète très sérieusement que monsieur Fagon y vaudrait beaucoup mieux. Il n'est pas concevable le mal que ce sarcasme fit à Chamillard et le ridicule qu'il lui donna. Le fin Normand comptait bien sur les plaies profondes que ferait à Chamillard ce bizarre parallèle et si cruellement soutenu. Dans cette joute verbale, Harcourt, digne de son statut de maréchal, sait bien mettre en pièces son adversaire. En plus, les paroles d'Harcourt sont meurtrières. Elles laissent les plaies profondes. Et donc la mention de Fagon semble inconsciemment prévoir le traitement médical dont Chamillard aura besoin après ce discours si cruellement soutenu. On pourrait à ce stade prévoir que l'aphasie d'Harcourt représentera une sorte de neutralisation de ce courtisan suffisant. Il est certain que la série d'attaques d'apoplexie qu'Harcourt subit à partir de 1710 suggère une période de déclin qui est la contrepartie de son vol et de sa hauteur. Harcourt tombe en apoplexie légère. Voilà une manchette qui évoque déjà la chute du courtisan. En 1715, Saint-Simon commente qu'Harcourt n'était plus que la figure extérieure d'un homme et sa tête ne pouvait s'appliquer ni sa langue, embarrassée déjà, s'expliquer bien aisément. Celui qui voulait forcer la porte du conseil doit s'abstenir de jouer un rôle dans le conseil du régent à cause de l'aphasie. La place du chef du conseil des affaires du dedans du royaume fut offerte au maréchal d'Harcourt. Il s'en excusa sur le travail de cet emploi et sur la difficulté de parler bien librement qui lui était demeuré de ses apoplexies et qui le mettait hors d'état de rapporter souvent et longuement les affaires de ce conseil à la régence. L'article nécrologique d'Harcourt, dans lequel Saint-Simon peint le travail ardu du maréchal de communiqué, est particulièrement émouvant. Je cite, « Plusieurs apoplexies redoublées l'avaient réduit à ne pouvoir articuler une syllabe, à marquer avec une baguette les lettres d'un grand alphabet placé devant lui, qu'un secrétaire, toujours au guet, écrivait à mesure et réduisait en mots, et à toutes les impatiences et les désespoirs imaginables. Il ne voyait plus depuis longtemps que sa plus étroite famille et deux ou trois amis intimes. Telle fut la terrible fin d'un homme si fait exprès pour les affaires et les premières places par son esprit et sa capacité. Et autant encore par son art, et si propre encore par la délicatesse, la douceur et l'agrément de son esprit et de ses manières à faire les délices de la société. Il a été souvent mentionné de lui dans ses mémoires, que je n'en dirai pas davantage. Pour quelqu'un comme Harcourt, quelqu'un de si doué pour la conversation mondaine, et dont, je vous rappelle, les expressions coulaient de source, cette lenteur à épeler un seul mot s'apparente à une véritable torture. Le silence impliqué dans la dernière phrase de Saint-Simon, « Je n'en dirai pas davantage », est à la fois une expulsion d'Harcourt, comme si le courtisan était renvoyé au jugement de l'Éternel, et un hommage rendu à l'individu, dont l'aphasie sera commémorée par le mutisme de l'écrivain. Mais si Saint-Simon témoigne d'une certaine compassion envers Harcourt, C'est, à mon avis, non seulement à cause de l'aphasie du sujet, mais à cause de son aphémie. Je m'explique en citant une conversation entre Saint-Simon et Harcourt que le mémorialiste retrace dans sa chronique de 1711, à côté de la manchette ou sous la manchette « Sagesse et franchise d'Harcourt avec moi sur les bâtards ». C'est avec le sarcasme de Chamillard l'autre moment unique où Saint-Simon cite directement le discours d'Harcourt. La conversation est centrée sur le statut des ducs et sur la création juridique d'un rang élevé pour les enfants naturels de Louis XIV. Harcourt, créature de Madame de Maintenon et proche de Monsieur Dumaine, surprend le mémorialiste en critiquant les avantages attribués aux bâtards. Et Saint-Simon nous assure que ce vocable fut son propre terme. Dans une tirade mélancolique, Harcourt révèle qu'il partage les opinions de Saint-Simon, mais que ses opinions doivent être réprimées. Je cite. « Voyez-vous, monsieur, me répliqua-t-il avec feu, je vis très bien avec eux et suis leur serviteur, mais je vous avoue que leur rang m'est insupportable. Il n'y a de parti présent que de se taire. Mais dans d'autres temps, il faut culbuter tout cela. Je vous parle à cœur ouvert, ajouta-t-il avec un air plus serein, sentant peut-être ma surprise. Je sais qu'on peut vous parler ainsi. Tous ceux qui ont un reste de sentiment ne peuvent penser autrement. Nous nous y étendîmes un peu avec ouverture et une secrète admiration en moi-même de tout ce que cachent les replis du cœur d'un véritable courtisan. Alors qu'Harcourt veut communiquer sa franchise, sa parole s'avère futile et le maréchal admet « il n'y a de parti présent que de se taire ». Ce maître de la guerre verbale reconnaît sa propre défaite, parce que le sujet du statut des bâtards est quelque chose dont on ne peut pas parler. Selon Broca, Paul Broca, écrivant au XIXe siècle, un tel sujet relève de l'aphémos, c'est-à-dire du tabou, quelque chose qui est innommable. On retrouve ce mot grec dans la discussion que lance Broca sur le meilleur terme permettant de désigner le déficit verbal engendré par un accident cérébral. Broca préfère aphémie à aphasie, mais il hésite à adopter le terme aphémie car une des significations du mot aphémos est une personne infâme. Le a privatif joint au verbe phémie peut en effet évoquer quelqu'un qui est, au sens propre, en dehors de la parole divine. Le silence que le maréchal d'Harcourt évoque dans cette conversation avec Saint-Simon est précisément celui de l'aphémie. C'est un silence devant l'horreur des bâtards, le scandale de leur grandeur. Et Saint-Simon comprend cette aphémie. Le mémorialiste lui-même, à un autre moment, ne sait pas comment nommer l'ascension des enfants naturels du roi. Il se demande quel nom donner devant Dieu à une telle récompense d'une naissance tellement impure. Certes, Saint-Simon ne se tait pas, comme le fait Harcourt. Les mémoires constituent un réquisitoire verbal contre les avantages accordés aux gens du néant. Donc, on pourrait dire que les deux conditions d'Harcourt, la perte de sa parole après l'apoplexie et son silence devant l'ascension des bâtards, inspirent l'écriture de Saint-Simon qui veut commémorer l'esprit du maréchal et en même temps proclamer ce que le maréchal a peur de dire. En ce sens, l'aphasie et l'aphémie du courtisan décédé sont des fantômes qui hantent Saint-Simon et qui le dirige vers la production du texte quelques décennies plus tard. Mais est-ce que les mots écrits peuvent vraiment combler les trous laissés par les paroles et les silences du passé? Face au verba volant, est-ce que le mémorialiste peut récupérer la signification perdue et même, à l'instar du défi lancé par Harcourt, culbuter tout cela? Passons à Achille de Harlay. Avec le premier président du Parlement, la perspective de Saint-Simon sur l'aphasie du sujet est très différente. En effet, Harlay est l'auteur de l'acte judiciaire qui a donné un rang intermédiaire aux enfants naturels de Louis XIV. Harley participe donc à l'infâme qui fait taire le maréchal d'Harcourt. De plus, Harley est lui-même usurpateur, car il s'attribue des privilèges aristocratiques qui ne devraient jamais être octroyés aux légistes. Dans la longue digression de 1714 qui trace l'élévation scandaleuse des magistrats, Saint-Simon parle de l'orgueil du Parlement, en précisant que c'est un orgueil qui, de degré en degré, tous plus étonnants les uns que les autres, arrive enfin à un comble dont le prodigieux ôte la parole et la lumière. L'ambition d'Achille de Harley, même si elle ressemble à certains égards à l'ambition dévorante du maréchal d'Harcourt, elle est de nature différente, parce qu'elle a pour objectif un désordre social équivalent au désordre entraîné par les bâtards du roi. Un désordre qui ôte la parole aux gens qui s'y opposent, exactement comme le pouvoir des bâtards fait taire le maréchal. Par conséquent, Harley est une sorte d'instrument du mutisme, quelqu'un qui puise son pouvoir du silence qu'il peut imposer. Il n'est pas surprenant alors qu'une des stratégies d'Harley dans sa manière de traiter les autres magistrats ou les parties d'un procès est de rendre son interlocuteur muet. Dans son premier portrait de Harley, Saint-Simon remarque que le premier président savait surtout gouverner sa compagnie avec une autorité qui ne souffrait point de réplique. Cette volonté de puissance se manifeste à travers ses brocards, dont l'un dirigé contre le duc de Bouillon le laissa fort étourdi et fort honteux d'une réponse si péremptoire. La terreur des repartis du premier président, comme Saint-Simon l'appelle dans une addition au journal de Dangeau, ôte la parole aux gens qui ont affaire à lui. Monsieur Montataire et sa femme, par exemple, sont laissés confondus par l'insulte qu'Harley leur lance. De même, aux gens qui essaient d'expliquer quelque chose à Harley, il leur répond « Taisez-vous, mon ami, vous êtes un bel homme pour me parler, je ne parle pas à vous. » Même dans son dernier bon mot, le dernier bon mot de Harley, d'Harley que Saint-Simon raconte dans l'article nécrologique qu'il consacre au premier président, il raille des moines dominicains, évoquant le mauvais souvenir de leur confrère Jacques Clément, assassin d'Henri III, et tout de suite, il leur tourna le dos, les laissant confondus. Cette tactique d'Achille de Harley de confondre son adversaire nous ramène, encore une fois, à Broca et à sa discussion de la terminologie des problèmes de parole. Broca n'aime pas l'usage du mot « aphasie » comme terme clinique, car pour Broca, l'aphasie, au sens grec, exprime l'état d'un individu qui s'exprime comme tout le monde, mais que la timidité ou la confusion empêchent momentanément de parler. Il s'explique, Broca s'explique, dans sa lettre au professeur Trousseau. Et Trousseau avait préféré le terme aphasie, et le terme aphasie s'est finalement imposé et qu'on utilise aujourd'hui, mais Broca préférait aphémie, et voilà pourquoi. Maintenant, ce mot aphasie, qui pêche contre la clarté, caractérise-t-il du moins exactement la maladie qui nous occupe? Nullement. Vous l'avez dit vous-même, l'aphasie, aphasia, est l'état d'un homme à bout d'arguments et qui n'a rien à répondre. On prétend que Platon aimait à mettre ses contradicteurs dans cet état. C'est même pour y avoir mis un jour Denis le tyran qu'il faillit être livré au bourreau et qu'il fut vendu comme esclave. Par suite des progrès de la dialectique, l'aphasie est assez rare de nos jours, excepté pourtant aux examens. Ce qui manque à l'aphasique, ce n'est pas la parole, c'est l'idée. Il pourrait parler sans rien dire, il se tait. L'aphémique, au contraire, a des idées à exprimer, mais la parole lui fait défaut. Donc si Harley incarne l'infâme, l'aphémos, ses victimes sont proprement des aphasiques. Des gens qui ne savent pas comment répondre à ces remarques si imprévues et singulières. Et la confusion qu'ils sèment est au service d'une confusion plus grande. Cette confusion, comme dit Saint-Simon, cette confusion générale et ce désordre universel dans les biens et les conditions et états du royaume. Mais Harley ne réussit pas pleinement et il subit une confusion similaire à celle de ses victimes. Paradoxalement, cette confusion est provoquée par la parole du roi qui lui est offerte et ensuite retirée. Saint-Simon répète plusieurs fois que Louis XIV a offert sa parole, c'est-à-dire sa promesse à Harley, de mettre le premier président au poste de chancelier de France. Cette parole serait la récompense d'Harley d'avoir créé le rang intermédiaire. En d'autres termes, l'action scandaleuse du premier président, l'action qui produit la famille chez Harcourt et chez Saint-Simon, est gratifiée par la parole royale. Mais comme Harley a tant aliéné les ducs et les pairs, le duc de La Rochefoucauld se fit une application continuelle de perdre Harley dans l'esprit du roi. Harley sera donc délaissé et le poste de chancelier sera offert, comme nous savons, à Pontchartrain. Dépité, Harley vient à Versailles pour demander que son fils puisse lui succéder. Au moment clé, la parole lui fait défaut. Je cite, « De chez le chancelier, il alla chez le roi, qu'il vit en particulier avant le conseil. Il avait préparé son compliment pour saisir ce moment précieux de toucher le roi et d'obtenir sa place pour son fils. Mais cet homme si adroit, si artificieux, si prompt et si fécond à la repartie, si rompu à prendre ses détours et ses détours, se trouva si touché de cette espèce de funéraille, peut-être encore si piqué, si outré, si confus, qu'il n'en put proférer une parole, et qu'il sortit du cabinet du roi plus mal content de soi que de sa démission même. Devant cette scène qui évoque sa propre mort, cette espèce de funéraille, Harley est soudainement confus, comme ses cibles l'étaient autrefois. Une aphasie momentanée qui prévoit plus celle plus grave encore qu'il subit avec ses apoplexies. En 1712, le mémorialiste note que peu à peu des apoplexies légères mais fréquentes lui embarrassèrent la langue, en sorte qu'on avait grande peine à l'entendre et lui beaucoup à marcher. Il mourut enfin dans cette misère et dans le mépris, au grand soulagement du peu qui, par proximité, le voyait, surtout de son fils et de son domestique. À la différence du dénouement d'Harcourt, celui d'Harley paraît la juste punition d'un agent de désordre. Harley, dont l'acte judiciaire créant un rang intermédiaire est, selon Saint-Simon, la plus grande plaie que la pairie put recevoir, doit maintenant subir la plaie qui est inhérente à l'étymologie du terme « apoplexie ». Ici, donc, l'écriture de Saint-Simon semble non pas une commémoration du sujet, mais une fustigation de celui-ci. L'aphasie du magistrat, si méritée selon le mémorialiste, n'est pas une cause du deuil. C'est plutôt l'aphasie que ce magistrat a provoquée chez d'autres qui inspire Saint-Simon à dire la vérité. Et pourtant, si Saint-Simon maudit Harley, il ne cesse pas de citer le premier président, même après sa mort. Certains brocards d'Harley sont racontés par Saint-Simon à deux reprises. C'est-à-dire que Harley, même si son ascension ôte la parole à Saint-Simon, exige toujours un surplus de paroles écrites, comme le mémorialiste l'avoue dans son addition au journal de d'Anjou quand il dit « On ne tarirait point sur un personnage si rare. » Et ces paroles coule de la plume du mémorialiste presque sans son contrôle, comme lorsqu'il confie dans l'article nécrologique d'Harley « Je n'ai plus à le faire connaître. J'ajouterai seulement. Je n'ai plus à dire. J'ajouterai seulement. » L'antithèse résume, à mon avis, la polyvalence de Saint-Simon devant l'aphasie et les aphasies. D'un côté, Harcourt et Harley représentent une cour qui est déjà disparue à l'époque où Saint-Simon se met à écrire. Disparue pour jamais, car Saint-Simon laisse penser que la perte du passé est irréparable. La confusion semée par Louis XIV, par les bâtards, par les parlementaires, par l'ambition ne peut pas être surmontée. Je n'ai plus à dire. Que dire devant une si funeste mutation du royaume qui prouve que le silence est finalement l'aboutissement de l'histoire. L'aphasie et l'aphémie se rejoignent à ce point à l'horizon où les acteurs de l'histoire reconnaissent le néant du monde, de ses craintes, de ses désirs, de ses espérances, de ses disgrâces, de ses fortunes, de ses travaux. Mais j'ajouterai, malgré le silence, il reste des choses à dire. Malgré l'impossibilité de refaire le passé et l'impuissance des mots à retranscrire l'ordre perdu, le mémorialiste se sent obligé de dire ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Le sarcasme d'Harcourt, les mots cruels d'Harley, même les remarques les plus blessantes à la Perry, Saint-Simon les mettra dans son texte pour exprimer cette singularité des gens comme Harcourt et Harley. Une singularité que seul le témoin qui a entendu les paroles et les silences peut rendre sur papier. Je vous remercie.